Caché doublement dans l'obscurité du Suisse Lassagne et dans la mienne, j'abordais la France avec le siècle. Fin de la section 28. Fin de Mémoire d'Outre-Tombe, tome 1, par François-René de Chateaubriand.